Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Se nourrir de manière plus saine, locale et responsable, c'est tout un défi. Et justement, le défi alimentation revient cette fois-ci du côté d'Amboise. Après nous avoir présenté le projet sur l'Est Tourangeau, Élodie Greff, éducatrice à l'environnement pour l'association Couleurs Sauvages, est revenue dans notre studio pour nous parler de cette belle initiative. Elle répond aux questions de Lilian et nous explique comment ces ateliers gratuits aident les participants à mieux consommer et à cuisiner malin. Et puis bien sûr, elle nous donne toutes les dates et les thématiques des ateliers à venir à la médiathèque d'Amboise. C'est parti, on écoute. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous étiez déjà venue il y a une ou deux semaines pour nous présenter les défis alimentation avec la communauté de communes de la Tève, donc Touraine-Est-Valais. Mais aujourd'hui, vous revenez pour nous présenter les défis alimentation de Amboise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, le défi alimentation, c'est un projet qui se déroule sur toute la région Centre-Val de Loire, sur différents territoires. Et donc, dans l'Indre-et-Loire, avec notre association Couleurs Sauvages, on anime différents défis alimentation, donc à la fois sur le territoire de la Touraine-Est-Valais, comme on en a parlé la dernière fois, et puis sur le territoire de la ville d'Amboise, à l'initiative de la médiathèque Aimé Césaire, qui est à Amboise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de votre association Couleurs Sauvages ? Oui, alors notre association, c'est une association d'éducation à l'environnement, association nature. Elle a eu 20 ans cette année et on est 5 salariés à faire des animations auprès de tous les publics, donc les scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée, voire plus âgés, et aussi auprès du grand public, donc les familles, les adultes, les individuels. Et on propose des animations nature, donc en extérieur, pour découvrir la faune, la flore de notre département et puis aussi des animations autour des enjeux environnementaux. Donc ça va concerner tout ce qui est le tri des déchets, le traitement des eaux usées, par exemple, par des visites de stations d'épuration, l'agriculture, l'alimentation, un petit peu tout ça. Est-ce que c'est la première fois que vous faites des défis d'alimentation à Amboise ? Non, c'est la deuxième année consécutive. Ce sera quoi les ateliers qui sont disponibles ? Alors, on a déjà commencé, en fait, le défi alimentation avec Amboise. Donc, on a déjà fait 2 ateliers. Donc, il en reste encore 5 à venir. Le prochain étant le samedi 8 mars sur la thématique de cuisiner les légumineuses. Le suivant, ce sera un atelier préparer un apéritif local et de saison le samedi 29 mars. Ensuite, on aura un atelier pour apprendre à cuisiner de façon simple, rapide, avec un petit budget et d'essayer de manger équilibré, évidemment, le samedi 5 avril. Et ensuite, on arrivera à la visite de ferme. Donc là, on ira rencontrer les jardins de contrat de Montreuil-en-Touraine le mercredi 9 avril. Et on finira par un dernier atelier sur où trouver des produits locaux en Touraine. Et ça aura lieu le samedi 26 avril. Et tous ces ateliers ont lieu à la médiathèque, excepté la visite de ferme, évidemment, qui se fait à la ferme des jardins de contrat de Montreuil. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou un âge minimum pour participer à ces ateliers ? Alors non, l'âge minimum, les parents peuvent venir avec des enfants jeunes ou en bas âge. On prévoit des activités en parallèle pour que les parents puissent quand même venir et profiter de l'atelier. Et puis si les enfants, ils ont au moins 7-8 ans, on peut déjà les faire participer à l'atelier. Ils peuvent cuisiner avec nous quand il y a de la cuisine, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Et de limite d'âge maximum, il n'y en a pas. C'est pour les petits et les grands. C'est ça. Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable ou on y va ? Non, il faut s'inscrire. Donc, il faut envoyer un mail ou il faut appeler la médiathèque pour pouvoir s'inscrire. Et en revanche, les ateliers sont complètement gratuits puisqu'ils sont financés par la ville d'Amboise et par la région Centre-Val de Loire. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse mail pour s'inscrire ? Oui, bien sûr. Donc, c'est médiathèque@ville-amboise.fr. Alors Élodie, est-ce que vous êtes toute seule sur ce projet ou pas du tout ? Non, donc il y a tout un tas de partenaires sur ce projet. Il y a notamment le Graines Centre-Val de Loire qui permet de coordonner les défis alimentation à l'échelle de la région. Et puis évidemment, il y a les partenaires de la ville d'Amboise, donc Céline Proutot qui est déléguée au livre et à la culture, qui est en charge de la médiathèque, auprès de Lionel Chisson, 4e adjoint délégué à la culture et au patrimoine. Et le défi alimentation, il a eu lieu aussi grâce à Marie-Hélène Carati qui est la directrice de la médiathèque d'Amboise et qui a fait appel à notre association pour le défi alimentation. Donc toutes ces personnes, on peut les retrouver pendant les défis alimentation ? Alors moi je suis la seule animatrice sur le défi avec la ville d'Amboise. En revanche, Marie-Hélène, la directrice de la médiathèque, vous la verrez pendant les ateliers puisqu'elle est à la médiathèque le plus souvent quand on fait les ateliers. Donc vous la croiserez sans aucun souci, vous l'aurez peut-être même au téléphone quand vous voudrez vous inscrire. Et Céline Proutot et Lionel Chisson, vous pouvez éventuellement les croiser sur certains ateliers puisque des fois ils viennent voir comment ça se passe, voire même participer à certains ateliers. D'accord, merci beaucoup. Un programme riche et gourmand qui donne envie de se lancer dans le défi. Si vous souhaitez participer à l'un de ces ateliers ou en savoir plus sur le défi alimentation à Amboise, toutes les infos sont à retrouver sur le site de la ville d'Amboise et sur les réseaux sociaux de l'association Couleur Sauvage. N'hésitez pas à vous inscrire et à tenter l'expérience. C'est la fin de cette édition du MAG. À demain sur Radioactive.